Salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, pop, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, c'est Lost in Space sur le 100 FM. Une émission ce soir qui va être consacrée à un hommage à deux groupes de la scène locale, Bokanovski et Grand Détour, que l'on retrouvera pour des concerts qui ont eu lieu cet hiver. Mais pour l'instant, c'est encore pas l'heure, je vous le dirai tout à l'heure quand ça viendra. On attaque immédiatement avec Boss Hogg qui chante Count Me Out. In a century soon to come, development of a hyperspace drive will begin a great era of space exploration and colonization. When I fall, I wanna do it neat. Rarely has mankind hesitated to eradicate the creatures that stand in the path of his conquest. Comme ça, deux, trois, quatre, pète, chic, yeah, yeah, yeah. elle est tombée. J'ai jamais eu ça, moi. Une chance comme ça. J'ai jamais eu ça, moi. Une vie comme ça. Quand je pense que ça me disait rien du tout. T'as l'air avec tes copines. Danser comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. J'ai pas résisté. Elle m'a dit, tu vas craquer. Il faut arriver. Elle ne s'était pas trompée. J'ai jamais vu ça, moi. Une vie comme ça. Yeah. got to at least just give us a clue. Oh, here it comes. I know it's someone I knew. Teenage riot in a public station. Gonna fight, tear it up in a hibernation for you. Now I see it. I think I'll leave it out of the way. Looking for a ride to your secret location, with the kids are setting up a feast meditation for you. Got a foghorn and a drum and a hammer that's rocking, and a cord and a pedal and a lock that'll do you for now. It better work out. I hope it works out my way. Quiet in my city head. It takes a teenage ride to get me out of bed right now. You better look it. We're gonna shake it up to him. Max the hero. He came to zero. Another glass. Enjoy the calm. The country life is often envied by those who dwell in the city. Why? Well, there's the peace and quiet of the country night. What's wrong? What's wrong? Time ago, live so close to the sun. 480 million miles from the sun, the planet Jupiter dominates space without mercy. Obscenely large, eternally cold, its baleful red eye seemingly focused on a tiny orbiting moon. A moon that is also the focus of our story. Vous êtes toujours sur le 100FM, on a eu Los Twangueros à l'instant sur Radioactive et Lost in Space de la musique surf. Juste avant le tout dernier concert de Bokanovski qui a eu lieu à l'Hélice, vous savez en haut du parc d'Hélice, ça a eu lieu très exactement je ne me rappelle plus quand, parce que c'était au mois de janvier ou de février. Bokanovski, groupe hardcore toulonnais, enregistré dans de bonnes conditions, le tout dernier concert, vous n'aurez plus l'occasion de les revoir, profitez-en. Hey, tout le monde est prêt? Oui. Oui, Clément, on dit. Salut, on s'appelle Bokanovski, on vient de Toulon, et c'est la première fois qu'on joue à l'Hélice, et la dernière fois, malheureusement, ou heureusement. Entendez-vous ? Merci d'être venu, merci à ma famille, t'as vu, aux amis, il y a plein d'amis, c'est trop cool. Et aussi de faire ça bien, quoi, pour une fois. C'est très sexy, ça. Mais heureusement qu'il y a Brother James. Alors merci à tous les amis Brother James d'être venus. Et merci à nos amis à nous, qui sont aussi peut-être des amis Brother James. Ils sont en marche, les gars. En marche. Bon, c'est cool, ça fait plaisir. En fait, dans ce groupe, on a eu trois batteurs. Monsieur Juju Lavitra, qui est ici. Et Vincent Guéhard, qui est ici. Qui nous a fait le plaisir de revenir de Lyon et de nous faire la surprise d'être là pour. concert, c'est notre dernier. Et puis Romain Sebou qui a eu la peine de venir depuis Montréal. Ouais, ouais, ça c'est pas la France en marche. Ben voilà, on a eu pas mal de péripéties dans ce groupe et on est quand même content que ça termine parce que j'ai plein de cul un peu. Quoi. Voilà. Bon, ça fait plaisir de terminer à la maison, voilà. Thank you. Il en reste 3. Ça va, Toulon ! Ça parle de religion. Il y a le 7e bocal là-bas. Le petit loulou avec sa petite chemise en jean. Le maître du son, le maître maçon. Olivier qui nous a rejoint sur la toute fin avant qu'on se dise on va vraiment arrêter là parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que donc, il a essayé d'insuffler un petit quelque chose et puis finalement on a dit non mais c'est pas de sa faute, c'est pas de la nôtre. Ah il y avait trop de rigueur dans son ordinance. Ça fait pas grand. Donc il a pas supporté les blagues de concert. D'accord. Et donc ce soir c'est pas une bonne soirée, c'est celle de Wonder Jam parce qu'ils sortent leur disque. Il y a longtemps qu'il est sorti, mais si vous l'avez pas, bah achetez-le parce que même moi j'aime. Je rigole. C'est une blague. Merci Marion. Dans ces cas-là, tu viens de m'écouter. Il en reste deux et je pense qu'on parlera pas entre eux, donc merci encore d'être resté, d'être venu. Si on n'a pas de truc à dire sur les élections, c'est bon, on va rater avec les soucis. Vous savez quoi faire Attention. Attention. Les grands-parents, ils sont des tubes au vol. Ils sont morts. Bon, c'est nul. Merci. Et restez pour Brother James. Ah, d'accord. Je te laisse le faire. Surprise. Merci, merci encore Olivier. Lucas Grassas. Merci à Tandem et merci à Bradley Pen pour l'invitation. You know it. Alors voilà, comme tout le monde, on a écouté ce film dans la bossine, donc à tout de suite. Toujours sur le 100 FM Lost in Space avec une soirée consacrée à la scène locale. Après le tout dernier concert de Bokanovski, on va avoir là aussi encore une fois le dernier concert d'un autre très très bon groupe, Grand Détour. Concert enregistré le 21 janvier 2017 au Port des Créateurs en pleine basse ville de Toulon. C'est bien. voir d'où viennent là, surtout, parce que... Ah bah ouais, putain, mais en fait, on se connaît pas du tout, ce groupe-là, ça fait genre 10 ans qu'on se connaît. Ah, puis toi, ça fait que 6 mois, mais putain, t'es déjà là, et... Donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement hier. Voilà. Je vais vous le dire. Ouais. On est un peu bisounours, là, c'est pour ça, les petits lapins, les petits lapins... La poêle. Qui l'a dit à quoi? C'est moi. C'est une bonne lègue. Bonne question. Putain, je suis pas prêt là, je suis pas bien là. Moi je suis pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. We'll be right back. te calmes. Accueillir à l'arrache, et puis l'éclectique et le port des créateurs qui dans notre dos ont organisé un petit peu le truc machin tout ça. Merci. Et voilà, donc pour la petite histoire, on devait jouer ailleurs, ça s'est pas fait parce que un de nos acolytes était très malade et voilà, il y a une bonne raison d'annuler et donc du coup il a fallu faire quelque chose parce que bah, nous c'était ce soir-là ou jamais, donc on l'a fait grâce à ces gens-là et puis bah, grâce à vous qui avez suivi. Bon alors, ça c'est vraiment génial, ça nous offre la dernière date dont on avait envie et ça c'est cool. Juste ce soir, on pense très fort à des amis qui sont représentés par un ami ici présent, l'ami d'un groupe qui s'appelle El Descartes, avec lesquels on a fait quelques dates et avec lesquels il y a une profonde entente musicale et humaine. Et ils avaient genre essayé de commencer à répéter pour venir jouer ce soir et nous faire la surprise, mais ils sont pas là parce qu'ils ont pas pu faire comme ils voulaient. Mais on pense à eux. C'est ça. Voilà. Pour dire que les amis, c'est important. C'est bien, Pokémon, non? Ça va bien. C'est bien, monsieur, c'est bien. La foine. Aussi, hein. La 12. Oui, le bim. Thank you. Ah non, mais voilà quoi. Vous avez bien réussi. Je suis en une bouteille en fait. Insupportable. Genre, il voulait pisser. Vous allez jouer maintenant là? Vous allez faire un morceau pour de vrai en fait. Ouais. Un vrai morceau. Maintenant en fait. Un morceau. Dernier, dernier. Dernier, dernier. Dernier, dernier. Dernier, dernier. Dernier, dernier. Tout à l'heure, on a eu Coldplay. Hein. Là, c'est jeu, là. Alors là, c'est mal. Mais oui.